Mon père fait bâtir maison, frist au beurre et à l'oignon. Mon père fait bâtir maison, frist au beurre et à l'oignon. Par 99 maçons, frist un friston, frist à l'oignon. Ah ah ah, frist à l'huile. Mon père pour qui cette maison, frist au beurre et à l'oignon. Mon père pour qui cette maison, frist au beurre et à l'oignon. C'est pour vous ma fille Jeanneton, frist un friston, frist à l'oignon. Ah ah ah, frist à l'huile. Ma fille promettez-moi donc, frist au beurre et à l'oignon. Ma fille promettez-moi donc, frist au beurre et à l'oignon. De n'épouser jamais garçon, frist un friston, frist à l'oignon. Ah ah ah, frist à l'huile. J'aimerais mieux que la maison, frist au beurre et à l'oignon. J'aimerais mieux que la maison, frist au beurre et à l'oignon. Serait dans la mer jusqu'au fond, frist un friston, frist à l'oignon. Ah ah ah, frist à l'huile. Et vous mon père sur le pignon, frist au beurre et à l'oignon. Et vous mon père sur le pignon, frist au beurre et à l'oignon. Vous vous laveriez tout du long, frist un friston, frist à l'oignon. Ah ah ah, frist à l'huile. Et moi j'aurai mon doux mignon, frist au beurre et à l'oignon. Et moi j'aurai mon doux mignon, frist au beurre et à l'oignon. Tous les deux nous nous marierons, frist un friston, frist à l'oignon. Ah ah ah, frist à l'huile.